Les nouveaux mondes, la forêt, la nuit. Nous avions combattu les rats menaçant Wichiti sous terre. Nous avions combattu les rats et pour seule récompense, nous avions l'exil. Nous avions découvert le nouveau monde, la forêt, la cité des halls. Et nous avions une nouvelle fois été condamnés à l'exil. Mais cette fois-ci, par les membres d'un conseil de sages. Berthold, le capitaine des écureuils, nous avait amenés à la frontière de son royaume en pleine forêt. Et là, si les rats nous avaient paru depuis quelques semaines n'être qu'un lointain souvenir, ils ne l'acceptaient guère. Ils étaient quatre. Surprise par l'arrivée de la chauve-souris nommée Bender, Mila avait chuté de sa branche, révélant notre présence aux rats. J'avais une nouvelle fois combattu des rats, comme jamais auparavant. Pourtant, Elin s'enfuyait dans la forêt, prêt à révéler notre présence à son chef, Ratis. Il fallait l'en empêcher. Je courais comme un dératé, pliant les brins d'herbe, les bras brassant l'air. Je ne le voyais plus, il avait disparu dans l'obscurité des feuillages. Où était-il? Je ne devais pas le laisser filer comme... Il surgit derrière un tronc d'arbre, la gueule ouverte. Non ! Ses pattes me frappèrent aux épaules. Il était sur moi de toute sa masse, la gueule béante, les yeux brillants à la lueur des étoiles. Son haleine fétide filait sur mon visage. Je crois que c'est fini pour toi, Bifwish. Il me retenait dos sur le sol, ses pattes avant appuyées sur mes épaules, sa gueule prête à m'avaler tout entier. Bouge pas, bouge pas. Tu me boufferas pas. Petit Bifwish, tu fais moins le fier, hein, tu fais moins le fier, je vais te... Le rat s'est affalé sur moi comme pris d'une mort subite. J'étouffais sur son poids. Il était immense, immensément lourd. J'essayais tant bien que mal de soulever le corps inerte du rongeur, mais mes bras étaient trop faibles pour ça. Trop faibles. J'étouffais. Je ne voyais plus rien. La gueule du rat appuyait sur ma tête. Je ne voyais plus rien. Brusquement, les étoiles, les feuilles des arbres réapparurent. Quelqu'un poussait lentement le rat. Squeak ? Squeak ? C'est toi, vieux ? Cette voix... Squeak ! Réponds-moi ! Non, ce n'était pas possible. Une silhouette de la taille d'un Bifwish finissait de pousser le rat sur le côté, un bâton dans la main. La pointe était si sombre comme recouverte de sang. La silhouette avait dû planter le bâton dans la nuque du rat. Je reprenais mon souffle. Squeak ! Cette voix... Booze ? Booze, c'était Booze. Il s'agenouilla à côté de moi. Booze... Il n'était pas mort. Booze ? Squeak ! Oh, je suis tellement content de te revoir. Mais je te croyais mort. Et Emilia, elle est pas avec toi ? Elle va bien ? On te croyait mort aussi, je t'ai vu tomber dans la galerie Est, parmi tous les rats. Booze ! Il a lâché la main, je la tenais toujours, mais sa peau glissait sur la mienne. Je n'étais plus tiré vers le grand trou. Le rat posa ses griffes sur le dos de Booze. Aïe ! Oh, ça fait mal ! Ben ouais ! C'est mes griffes et elles vont te découper ! Squeak ! Sa main glissait. Booze ! Non ! Je l'ai vu. Je l'ai vu tomber, la main tendue vers moi, les yeux grands ouverts. Le rat hurlant sous lui. Je l'ai vu disparaître comme un vulgaire caillou qu'on jette dans un tunnel en pente. Tomber et chuter. Disparaître, tomber, chuter. L'obscurité de la galerie l'enveloppa. Et les rats qui grimpaient s'arrêtèrent pour le regarder passer, lui et leur congénère. J'ai fermé les yeux. Non. Oh, c'est une longue histoire. Une très longue histoire. Booze. Ils nous lâcheront pas, hein. Il pointa le bâton vers le rat. Non. Ils ne nous lâcheront pas. Booze, je te croyais mort. Mais non, je suis vivant. Allez debout maintenant. Il m'aida à me relever. Nous fîmes quelques pas côte à côte. Mais tu boites ? Oui, une vilaine morsure de rat à la jambe. Je te raconterai. Pour l'heure, il faut se mettre à l'abri. Fourgeon de Mila, elle est encore... Elle est avec... Il s'en est passé des choses, Booze. On est dans une forêt, ça s'appelle... Une forêt, tout ce qui nous entoure... Je sais, Squeak. Je sais tout ça. Ça fait presque un mois que je suis ici, tout comme vous. J'ai eu le temps de me faire des amis. Booze me tapote à l'épaule. Je suis content de te retrouver, Squeak. Et moi donc, Booze n'était pas mort. Booze n'était plus seulement un souvenir. Booze était vivant.